Le championnat national des As du taekwondo pour la Coupe Chunsong, qui a été ouvert le 15 juillet, vient d'être clôturé. À la cérémonie de clôture tenue le 24 juillet à la ville de Hesan de la province du Yangon, on prépare les cadres intéressés, les sportifs, les travailleurs, les jeunes étudiants de la ville. On y a conféré les coupes, médailles et diplômes aux meilleures équipes et joueurs qui ont obtenu de bonnes performances aux matchs du taekwondo et du paddle.